ce crack. Ce crack. Laisse tomber tous des zombies à croire qu'ici c'est résident. Bien, bienvenue dans mon 18ème sous-sol. Vas-y, explique leur date. Je viens du 18ème sous-sol. Sans ascenseur, on bout de sol. T'es tout essentiel, c'est les écus de la boussole. Tant qu'on s'en sort, dans ce cauchemar qui se condense. Or, patrouillard, ici on est bon qu'en sport. Y'a pas d'antidote, ça se développe comme le cancer. Mon clan sert les dents quand le camp pète dans le foie se répand. Est-ce qu'on pense faire du rap dark parmi ceux qui les putes traitent pas dans un parc au tac au tac comme Jeanne d'Arc. On flambe plaque de police. Quand je monopolise 18 packs, ton sinistre dans la playlist trop sinistre. Ma vie de vouloir son sans fin où les gars agonisent. Donne pas ton groupe sanguin si t'es sous le sol tout seul et alcoolique. Même si t'aimes la peur, le décor réveille tes ardeurs à finir accroché une corde comme Ben Harper. Le 18 recrute les talents avec un vice de plus qui font fils de brute et pas des fils de pute. Dans la matrice de l'angoisse trop tactique selon toi, ça s'emboîte, s'active sur un long doigt, c'est tactile, tact. Clique pas, j'pose un tactique, ma 18 active park, mon impact 1, 2, 3. Les jeunes croient à Détroit, la plupart loin d'être 3, mais tous rêvent en Détroit. Dans les poubelles sales, rodées par les rats, on fait que par les drapes, on trouve ça intolérable. Parmi les croutons, les charcots, la puce, on fait chaque mot, les coups de couteau, fuit sur chaque couteau, j'ai couteau. Dès le matin, ce sont silence, mais une seule le sous-silence, j'reste sous le sol en silence. Check ça, des ghettos de Kingston, rue de Brinkston et jusqu'au Texas. Je les connais par cœur, ces hommes qui collent portent leur parcours de tracker. Un rap hardcore du pôle Nord, notre seule idée est le feu comme Johnny Hallyday. Et je dirais même rester éveillé et toujours créer la révolution contre l'évolution de la résolution. Que le système a de choisir les mauvaises solutions. Ma décision, quant à la mienne, sera la réflexion. Action 1, 2, 3, 4, pull up ma départementale section. Fuis, avant que tous ces pistes plaisent. J'ai un pote à Pigalle qui a ce qu'il faut pour te mettre à l'aise. Laisse-toi aller, ok, écoute. Ils veulent te voir jacter, nuit à Marcadé, un passeport pour la voie lactée. Secteur Discord, ne parle pas de East Coast, que des putains de Hitchcock. Ville Glock à la Hitchcock, les matchs par Will Croc. Pas de Rachida Latine, notre sol soit pâti, mais à Tati, il faut dire c'est pratique. Ça, parking, ressent le son venu droit des abysses, attention. Venu d'en bas, lui aux abysses, des sales bises, des hommes de l'ombre. Des pirates qui se battent pas pour Blackburn. Des battes des tapes à base de balles pour leur ghetto blaster. Tu ne peux pas descendre comme ça, ce n'est pas possible aussi aussitôt. Même un topo si on oxy au toxic flow. Trop éprouvant, lieu des pouvante pour les Rothschild. Des bruits de pas dans ces ruelles, Néo le sent trop chill.